Scène 4. Les mêmes. La porte est défoncée. Le père Ubu et les forcenés pénètrent. Mais bougre-là, mais comme veux-tu faire? Vive Dieu! Je défendrai ma mère jusqu'à la mort. Le premier qui fait un pas est mort. Oh, Bordure, j'ai peur. Laissez-moi m'en aller. Rends-toi, bougre-là. Tiens, voyou, voilà ton compte. Il lui fend le crâne. Tiens bon, bougre-là. Bougre-là, nous te promettons la vie sauve. Chenapan, sac à vin, sagouin pillé. Il fait le moulinet avec son épée et en fait un massacre. Oh, mais je vais bien revenir à bout tout de même. Mère, sauve-toi par l'escalier secret. Et toi, mon fils? Et toi? Je te suis.